Chapitre 3e. Pendant 8 jours, Mademoiselle Froget suivit la routine ordinaire de ses devoirs, se garda bien de passer du côté de l'hôtel Louvois, et s'efforça d'oublier jusqu'au nom de Bricard. Son oncle et sa tante, fatigués par l'immense effort que leur avait coûté leur petite fête, se reposaient dans une douce somnolence. C'est avec volupté qu'ils regardaient leurs tasses de porcelaine réintégrées dans le buffet, leurs boîtes de cuillère à thé rangées dans l'ordre accoutumé, les chaises et les fauteuils rendus à leur première harmonie, et tout cet intérieur réglé, correct et monotone, leur paraissait le paradis perdu et retrouvé. De plus, un sentiment d'orgueil légitime gonflait leur cœur à la pensée du succès de cette entreprise. « Quand on pense, disait la tante Belle, qu'on ne m'a rien cassé, pas même une bobèche. » Les deux époux interrogeaient Camille avec des ménagements infinis. Celui-ci lui avait-il paru aimable? Cet autre n'était-il pas joli garçon? Camille n'avait point trouvé le premier remarquablement aimable, ni le second plus beau Cantinous. Alors les deux bons vieux baissaient le nez sur leur assiette et se demandaient avec terreur s'il ne faudrait pas recommencer à donner une fête. « Le seul homme que j'ai trouvé intéressant, » déclara un jour Camille, ennuyé de cet interrogatoire, « est M. Mirmont. Il est désagréable, mais intelligent. » « Désagréable, Camille, y penses-tu? Un homme si bien élevé !» s'écria la tante Belle. « Un homme si considérable !» repartit l'oncle Sébastien. « Et mon meilleur élève ? Un homme qui est en passe d'arriver à tout. Désagréable ! En quoi l'as-tu trouvé désagréable, ma chère enfant ? C'est l'homme le plus aimable. Très aimable, mon oncle, en effet. Mais je m'entends. Si je ne sais pas me faire entendre, il est très aimable, vous avez raison, très considérable et sans doute encore plus considéré. Certainement, firent les époux en chœur. Tant mieux, mon oncle, tant mieux, ma tante. La conversation s'arrêta court. Monsieur et Madame Froget se regardèrent consternés. Certes, l'idée qu'un personnage aussi considérable que Gustave Mirmont pouvait rechercher leur nièce n'avait jamais germé dans leur cerveau. Mais n'était-ce pas désolant que cet homme aimable eût ainsi déplu à la jeune fille? Madame Froget se permit d'en parler à Camille en choisissant un moment favorable, car la bonne dame, sans se l'avouer, avait un peu peur de sa nièce, dont la froideur l'inquiétait souvent. Elle, toujours si expansive et, dans le sens le plus large du mot, si charitable. Camille était stoïque à sa façon. C'était malgré elle qu'en rangeant de vieux papiers, elle avait trouvé la lettre de mariage de Paul Bricard. C'était certes bien malgré elle que ce nom était revenu récemment frapper ses oreilles. Était-ce sa faute si le jeune époux venait à Paris lorsqu'il y était, elle, depuis plusieurs années? Elle n'avait rien à se reprocher dans ce concours de circonstances. Vraiment, on dirait parfois que les choses s'acharnent contre vous, avec une sorte de rage perverse. Le nom qu'on veut oublier revient à vos oreilles. Les indifférents labourent sans pitié votre cœur avec des paroles, pour eux banales et sans importance. Un ouvrier passe dans la rue en sifflant un air. Cet air vous fait monter aux yeux un flot de larmes amères, et le premier prénom que votre œil distrait rencontre dans le journal est celui de l'être que vous voulez rayer de votre vie. Sans doute, c'était la faute des choses si Camille s'était vue obligée de parler des Bricard et de penser à eux. Mais elle ne devait pas permettre à ce souvenir d'envahir son existence. Elle devait oublier à tout prix. Camille était une mystique sans le savoir. Elle croyait à l'influence mauvaise de la chair sur l'esprit. Pour mortifier son âme, elle s'en prit à son corps. Pendant une quinzaine, elle ne but que de l'eau, se priva de toute recherche de nourriture, vivant de pain et de légumes, sous prétexte de manque d'appétit, et supprima son premier déjeuner, ce qu'elle pouvait faire à l'insu de tous. Ce n'était pas assez. Elle se mit à lire tous les soirs des ouvrages de morale, jusqu'à ce que ses yeux gros de sommeil ne pussent plus distinguer les caractères, et le matin, éveillée par le premier cri des hirondelles, elle se leva aux faibles clartés de l'aube. Elle fit ses courses à pied et rentra harassée, brisée au moral comme au physique, incapable de penser et contente d'elle-même. « Il faudra bien, se disait-elle avec une joie cruelle, que je t'oblige à ne plus aimer le mari d'une autre. » En effet, elle crut l'avoir oublié. Quand elle eut abattu son intelligence et sa force, elle crut avoir tué son amour. Et vraiment, elle était si lasse que le nom de Paul cessa de la hanter et sa pensée ne revint plus à l'esprit de l'orgueilleuse Camille. Il y a des êtres qui prennent leur croix en patience et la portent péniblement dans tous les sentiers, humiliés de souffrir, mais soumis dans leur humiliation. Camille n'était pas de ceux-là. Elle voulait être parfaite. Elle ne pouvait admettre une tache sur ce manteau d'hermine dans lequel elle se drapait si fièrement. « Je fais tout ce que je peux, tout ce que je dois », se disait-elle, « et quand je manque à mes devoirs, je m'en châtie aussitôt. » Elle se châtiait, comme nous l'avons vu, en mortifiant son enveloppe mortelle. Mais son indomptable orgueil, une fois la résistance brisée, reprenait le dessus et triomphait de plus belle. Aussi, quand elle s'aperçut que la pensée de Brécard et de sa femme la laissait calme, elle s'applaudit de sa force et de son courage. « On fait tout ce qu'on veut », se dit-elle, « ce sont les faibles qui ne peuvent pas. » Camille, au bout de 15 jours, se sentit si sûre d'elle-même qu'elle cessa d'éviter le quartier Louvois. Jusque-là, elle faisait un détour pour ne pas passer par la rue Richelieu. Elle la prit bravement toutes les fois que ses occupations l'attiraient de ce côté, et même, en passant devant le square, elle jeta plus d'un coup d'œil dédaigneux sur la façade de l'hôtel, cachée par les feuillages. « Ce n'est pas si terrible après tout, se dit-elle, et puis j'ai la chance pour moi en ce moment. J'aurais beau chercher Claire, je ne la rencontrerai pas. » Une autre quinzaine s'écoula, puis un soir, vers 6 heures, Camille, un peu en retard, pressait le pas pour retourner chez elle, quand, rue de Rivoli, près du Louvre, elle entendit son nom prononcé par une voix jeune et joyeuse. « Camille !» Elle ne se demanda pas qui l'appelait. Sa destinée venait de lui mettre la main sur l'épaule. « Claire !» dit-elle en s'arrêtant brusquement. En face d'elle se trouvait une jeune femme, presque blonde, avec des yeux bruns, très doux plutôt que très grands, un joli sourire, des dents blanches, des fossettes aux joues, et un air d'indicible honnêteté répandu sur tout son être. Elle tendait à Camille sa main gauche, et la droite retenait une petite voiture d'enfant. C'est l'enfant que regarda Camille en prenant la main de son ancienne amie. L'enfant était un robuste garçon aux yeux de sa mère, aux cheveux noirs frisés, emmêlés, comme ceux de son père. Son regard sérieux s'arrêta sur le visage de Camille, et il la contempla pendant qu'elle parlait avec la fixité de ces petits êtres à qui la politesse est complètement inconnue. « Camille, te voilà. C'est une heureuse chance que de nous rencontrer ainsi. Il y a longtemps que je voulais aller te voir. Et puis quand on s'installe, tu sais, on n'a jamais le temps. Mon fils, Félix Brécard, oh, tu peux l'embrasser, je ne suis pas jalouse. Il y a des mères qui n'aiment pas qu'on embrasse leurs enfants. Moi, cela me fait plaisir. » Camille se pencha sur le petit garçon qui la regardait toujours et le baisa au front. Mais Félix, probablement, trouva l'accolade trop cérémonieuse, car étendant ses deux grosses menottes, il repoussa fortement Camille après qu'elle l'eût embrassée et continua à la regarder fixement. Claire se mit à rire. « Il est mal élevé, vois-tu, mais dans un âge aussi tendre, quel éclaircissement pouvez-vous en attendre ?»« Il ne te dira jamais pourquoi il est si peu gracieux. » « Ah, Camille, te souviens-tu de la pension de Mademoiselle Boussin, quand tu jouais à Thalie et moi, Josabeth ?»« J'étais destinée à jouer les mères de famille. » Elle promenait de son fils à son ami ses yeux clairs et rieurs, et son sourire de mère heureuse achevait sa pensée. « Tu es installée à Paris ?» demanda Camille, non sans effort. « Rue de Rivoli, au coin du boulevard de Sébastopol, avec une vue sur les arbres de la place du Châtelet. C'est divin. Et le soir, à la sortie des théâtres, c'est d'un drôle. Tu n'as pas idée de cela, surtout quand il pleut. Et puis, il y a les marchands d'oranges. Ah, que c'est amusant, Paris. Quand viens-tu me voir? Il faut dîner avec nous. Veux-tu demain? » Demain, je ne peux pas, répondit lentement Camille. Après-demain, alors? Après-demain, non plus, dit faiblement la jeune fille, qui se débattait contre elle-même et se sentait succomber. Que tu es ennuyeuse? « Dimanche, alors ? C'est cela, dimanche, et mon mari sera là toute la soirée. Viens de bonne heure, n'est-ce pas ? Viens à 5 heures. Nous rentrons toujours à 5 heures à cause de bébé qui doit dîner de bonne heure. C'est dit. »« Soit, » répondit Camille. « Au revoir. »« Et mon mari ? Tu ne me demandes pas de ses nouvelles ? Tu étais pourtant de ses grandes amies, jadis. Toujours beau, toujours charmant. Tu rougis. Je choque tes principes. Une femme a bien le droit de trouver son mari charmant, je présume. » Tu es toujours méthodiste, alors? Ça sera bien amusant. Nous allons te rendre la vie dure, tu verras. À dimanche, donc. » Elle s'appuya sur la poignée de la petite voiture pour la remettre en marche et adressa un dernier signe de tête amical à son ami. L'enfant se retourna brusquement pour voir encore le visage de Camille, mais il resta impassible jusqu'à la maison paternelle. Camille rentra chez son oncle comme en état de somnambulisme. « Veux-tu, lui dit sa tante dans la soirée, que nous allions dimanche aux eaux de Saint-Cloud ?» Dans les idées de la tante Belle, c'était encore une manière de mener Camille dans le monde. « Dimanche ? Non, ma tante, je vous remercie. J'ai rencontré Claire, Claire Bricard, elle m'a invité à dîner. » Les deux époux ouvrirent de grands yeux et Camille dut raconter sa rencontre. Quand elle se fut retirée, M. Froget dit à sa femme « Tu ne sais pas, Belle, puisque Camille ne peut pas aller à Saint-Cloud avec nous, nous irons tout seuls, comme dans le bon vieux temps. » « Sébastien, quelle idée, nous deux, tout seuls, comme deux amoureux. Hé hé, ma bonne femme, nous y avons été bien heureux. » Et en effet, le dimanche venu, vers 3 heures, les deux vieux partirent pour Saint-Cloud.